Les crêpes. Suzy adore cuisiner. C'est la meilleure cuisinière du monde. Viens déjeuner, Pierre. Je vais te montrer comment faire des crêpes, dit-elle. Voici ce que tu dois faire. Tu prépares le mélange. Tu verses le mélange dans la poêle. Crêpes. Suzy et Pierre mangent les crêpes. Miam, disent-ils. Les crêpes sont délicieuses. Nous aimons les crêpes. Oncle Louis entre dans la cuisine. Ah, des crêpes, dit-il. Je vais faire des crêpes, moi aussi. J'adore les crêpes, c'est délicieux. Quand je fais mes crêpes, je les retourne. Voici ce que tu dois faire. Tu prépares le mélange, tu verses le mélange dans la poêle, tu retournes la crêpe. Papa entre dans la cuisine. Hurrah, dit-il. Des crêpes, c'est délicieux. Je vais faire mes crêpes. Je vais les faire sauter. Voici ce qu'il faut faire. Tu prépares le mélange. Tu verses le mélange dans la poêle. Tu fais sauter la crêpe. Papa fait sauter la crêpe. La crêpe vole très, très haut. « Où est ma crêpe? » crie papa. Il lève la tête. « Oh non! » dit papa. « Regardez ma crêpe! » Et plouf! La crêpe tombe sur la tête de papa. Papa jette la crêpe dehors. « Ah bien, dit-il, les oiseaux aiment les crêpes. »